Bonjour à tous, chers amis de French Mode, et bienvenue pour cette nouvelle leçon Upper Intermediate. Aujourd'hui, je me retrouve ici avec... Je suis JP. JP, mon très cher collègue. Oh. Avec qui donc aujourd'hui? Donc je ne vous ai pas présenté. Amaury ici, ouais. derrière salut. Le micro. Salut à tous. Et donc avec JP, nous allons vous présenter une leçon concernant le casino. Wouh! Alors, ça te fait vraiment plaisir, JP? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quand on a parlé de cette leçon, tu m'as dit que tu n'étais pas un grand fan des casinos. Non, j'aime pas perdre mes sous. On peut en gagner. On peut en gagner beaucoup. On ne gagne jamais, mon ami. Ok. On va voir ici si les personnages du dialogue vont gagner ou perdre de l'argent. Mm-hmm. Mais donc, avant de les retrouver, on va donner une phrase clé. C'est quoi? Faites vos jeux. Faites vos jeux. Voilà, faites vos jeux. Place your bets. Exactement. Ok. Allez, c'est parti, on les retrouve. À quoi veux-tu jouer? Aux machines à sous, aux cartes, aux dés, à la roulette? À la roulette! Ne sois pas si excité. C'est la première fois que je me rends au casino. Dans quelques heures, je serai peut-être riche. On verra. 10 minutes plus tard... Je ne comprends pas. J'avais regardé plusieurs émissions, été analysé le jeu et les gestes du croupier. Tu es tombé dans le panneau. Je t'avais prévenu, c'est un jeu de hasard. Laisse-moi mettre en gage ton collier. Tu as déjà tout misé? Ça part vite. Le collier de mon arrière-grand-mère. Tu as perdu la raison. Je ne veux pas voir ça. Je vais faire un tour. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 14 rouges, paire et manque. Non! Alors? Écoute mon ange, ton collier était faux. Mais le casino m'a quand même prêté un peu d'argent. Alors? Je viens de tout perdre. Mais tout est arrangé. Il suffit que tu restes quelques jours ici et tout est oublié. Oh, monstre, goujat, esclavagiste. Je reviens te chercher la semaine prochaine. Je t'aime, mon cœur. Tu es la meilleure. Oh, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a vraiment affaire à un goujat, quoi, un monstre. Un esclavagiste, comme on dit. Mm-hmm. Il est vraiment un peu dur, mais bon, il a la passion du jeu, on dirait. Oh, mais ma pauvre. Pourtant, elle est quand même gentille. Mm-hmm. Elle arrive avec son mari ou son petit copain au casino. Ouais. Et elle lui demande « À quoi veux-tu jouer ?» Ok. Donc, il y a différentes possibilités. Ok, qu'est-ce qu'il y a au casino? Alors, on peut jouer... aux machines à sous. Machines à sous, these are slot machines, right? Oui. Right. J'ai vu d'ailleurs en préparant la leçon qu'en anglais, il y a beaucoup de mots pour les machines à sous. Il y a fruit machine, coin machine, slot machine. Uh-huh. One-eyed jack. Voilà. En français, ce sont les machines à sous. Donc, on peut jouer également aux cartes. OK. Comme le poker. Le blackjack. Le blackjack. Mm-hmm. Au dé. Dé. Ça, c'est craps. Voilà. OK. Et donc, la dernière proposition... à la roulette. Okay. Et donc, c'est ce qu'il préfère. Et on dirait qu'il aime vraiment beaucoup. Mm-hmm. On doit le voir, là, il doit sautiller, il doit vraiment être... à la roulette. Voilà, plutôt comme ça. Et il lui dit, ne sois pas si excité. Ok. Calme-toi. Yeah, don't get all worked up. Mais lui, bon, il lui explique, il dit, bon, c'est la première fois que je me rends au casino. Ok, c'est la première fois que je vais au casino. Oui. Se rendre à... Allez. Voilà. Et donc, ce qu'il a derrière la tête... Mm-hmm. C'est que dans quelques heures, il sera peut-être riche. Ouh. C'est vrai que c'est ce que tout le monde pense. Oui, mais ça se passe jamais comme ça. Et le problème, c'est que c'est toi qui as raison, JP. Et tu vois, je crois qu'elle pense comme toi, mm-hmm. puisqu'elle dit « on verra ». On verra. Donc là, on entend que 10 minutes s'écoulent. Tu vois, 10 minutes sont passées mm-hmm. et on retrouve les deux personnages. Il a déjà des histoires. Donc, il a perdu son argent, mais voilà, il est un peu désabusé. Il doit être un peu désespéré, car en plus, on dirait qu'il avait une tactique. Mm-hmm. Il dit, je ne comprends pas, j'avais regardé plusieurs émissions uh-huh. où était analysé le jeu et les gestes du croupier. Ok. Ce qu'il ne comprend pas et pourquoi il n'a pas gagné. Parce qu'il s'est préparé. Voilà, il avait une tactique. Ouais. Pour lui, il allait sûrement gagner, il était sûr de gagner. Oui. Donc, il va employer le plus que parfait pour dire, J'avais regardé plusieurs émissions. Oui, avant de se rendre au casino. Ok. Avoir regardé. Ça, c'est regarder dans le plus que parfait. Oui. Et dans ces émissions, était analysé le jeu. Et ça, c'est la voix passive. Hein? Oui. Le jeu et les gestes étaient analysés. C'est bien ça. Ok. Le jeu, qui est ici la roulette. Oui. Et les gestes du croupier. Oui. Donc, le croupier, c'est le dealer. C'est lui, oui. OK. C'est lui qui distribue les cartes quand on joue au blackjack. OK. Ici, c'est lui qui fait tourner la bille dans le cylindre où il y a tous les chiffres. Le croupier. Le croupier. Là, elle doit penser, mais mon pauvre, tu es tombé dans le panneau. OK, ça, c'est une expression intéressante. OK, you fell for it. Tu es tombé dans le panneau. Oui, et ça veut dire se faire piéger. C'est une vieille expression française qui vient du 15e siècle. Tu vois, ça remonte à 5 siècles, c'est vieux. Bon. Ouais. Et en fait, le panneau, c'était un filet que les chasseurs utilisaient pour piéger les petits animaux. OK. Sans leur faire peur, donc les animaux ne s'en rendaient pas compte. So you fell for the trap. You fell into the trap. Dans le panneau. Et donc les animaux tombaient dans le panneau. Aha. Et là, c'est notre amie qui est tombée dans le panneau. Ouais. Et elle l'avait prévenu. C'est un jeu de hasard. OK, it's a game of chance. Oui, ça sert à rien d'avoir des tactiques. Voilà. Ça sert à rien de croire qu'on peut contrôler. Non, non, non, pas du tout. Ce que beaucoup de gens croient aussi, je crois. Ouais, ouais. Mais lui, il n'a pas l'air de l'écouter, puisqu'il a dû repérer son collier. Il la regarde et dit, laisse-moi mettre en gage ton collier. Oh, non. OK, ici le verbe est mettre en gage. Oui. OK, to pawn. C'est ça. OK, to put up as collateral. Oui, donc demander une somme d'argent en échange d'un objet. Et quand on rend la somme d'argent plus des intérêts, on peut récupérer cet objet. OK. Ici, c'est le collier. Oui. Son collier à elle. On verra à qui il appartenait, ce collier. OK. Là, elle ne comprend pas. Elle dit, mais tu as déjà tout misé. You already bet everything. Miser, c'est quoi? C'est mettre de l'argent en jeu. OK. Et lui, il trouve comme excuse cette expression française qui est « ça part vite ». OK, that's how it goes, you know. Oui. Mais il s'agit de l'argent. Ça part vite. Oui. Dans la plupart des cas, quand on dit ça, parce que malheureusement, c'est vrai, on parle de l'argent, ça part vite. Ouais. Mais on pourrait parler, par exemple, de nourriture, tu vois. Si jamais on a acheté un gâteau qu'on est censé partager pendant 2-3 jours et puis on se rend compte qu'il n'y en a plus, ça part vite. Ça part vite. Et là, elle ne comprend vraiment plus rien. Elle dit, c'est le collier de mon arrière-grand-mère. Waouh, OK, c'est pas la grand-mère. Non, c'est la mère de la grand-mère. Aïe, aïe, aïe. C'était un collier de famille. Oui, voilà. C'est normalement quelque chose qu'on doit garder et qu'il ne faut pas mettre en gage. Donc, elle lui dit, tu as perdu la raison. Oui, ouais. Il a perdu la raison. Elle est dégoûtée, donc. Elle ne veut pas voir ça. She's had it. I can't watch this. Elle préfère aller faire un tour. OK, faire un tour. She's gonna go for a walk. Elle va faire une petite promenade, se balader. Ouais. C'est vraiment une expression très, très utilisée en français. On dit rarement, je vais faire une promenade, je vais faire une balade. On dit, je vais faire un tour ou tu viens faire un tour avec moi. Ouais. C'est vraiment cette expression-là qu'on utilise. OK. Donc lui, il a son collier, il le met en gage, il reçoit l'argent et on retrouve le croupier qui commence un jeu, une partie de roulette. OK, il va perdre. C'est possible. Je le sais déjà. Ouais. Tu le sens? Ouais. Donc le croupier dit, et c'est ce qu'on entend à chaque fois quand on va à un casino à la roulette, faites vos jeux. OK, ça c'est la phrase clé. Oui, donc là c'est vraiment le croupier qui lance la bille, faites vos jeux. Place your bets. Les jeux sont faits, là c'est la bille qui commence à ralentir. Rien ne va plus, elle va bientôt s'arrêter. OK, no more bets. Oui, et là... 14, rouge, perd et manque. C'est le numéro gagnant. Oui. Donc ici, le numéro 14 qui est tombé sur une case rouge. Donc évidemment, 14, c'est un chiffre pair. Ouais. Et manque. OK. Alors, manque, c'est ce qu'on utilise à la roulette française. OK. Pour séparer les chiffres qui sont en dessous 18. OK. Donc on dit manque. OK. Et les chiffres qui sont au-dessus de 18, on dit passe. Passe. Donc si c'était le numéro 25 qui était sorti. Ça serait 25, noir, impair et passe. Oui. OK. Je suis juste pas sûr, je sais pas si le 25 est rouge ou noir. Tu le sais, t'es sûr, c'est noir? Oui, oui, oui. OK, d'accord. Et là, on entend la réaction. Il n'a pas dû gagner. Oh non. Tu avais raison, JP. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours comme ça, hein? Ouais. Et là, sa femme revient avec un gentil petit « alors ». Et là, le discours a changé. Il commence, il dit « écoute mon ange ». Oh. D'abord, première bonne nouvelle, enfin, qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Ton collier était faux. Oh. Mais le casino m'a quand même prêté un peu d'argent. Oh, ok. Ah, that's the last thing he needs. Mais ils sont gentils dans les casinos. Ils veulent toujours t'aider, te donner un peu d'argent. Tout à fait, tout à fait. Alors, elle demande encore. Eh ben, je viens de tout perdre. Mais voilà, tout est arrangé, il ne faut pas s'inquiéter. Uh-huh. Il suffit d'une chose. Ok. Il suffit qu'elle reste quelques jours ici, donc dans le casino, et tout est oublié. Oh. Ok, attends. La grammaire, c'est que on va employer le subjonctif. Avec le verbe suffire et la conjonction que, c'est le subjonctif qui vient après. Ok. Il suffit que tu restes. Rester est au subjonctif. Oui. Ici, c'est difficile à voir parce que c'est un verbe en ER. Ouais, ouais. Mais si c'était, par exemple, venir... Il suffit que tu viennes. Oui. Ok. Et là, on voit bien que c'est le subjonctif. Oui, hein. Oui, tout à fait. Et là, elle devient folle. Oui, parce qu'elle va faire quoi au casino? Ça, on va peut-être être serveuse, elle va peut-être faire... Tu sais ce qu'on appelle la plonge? La plonge, ça veut dire la vaisselle, les gens qui lavent la vaisselle. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis en gage son ami. Oui. Oh non. Il a perdu. Et comme il a perdu, il ne peut pas rembourser directement. Non. J'espère qu'il va trouver de l'argent, car quand même, après s'être fait insulter... copieusement, parce qu'elle l'appelle comme, ouais, Gouja, c'est quelqu'un qui est grossier, qui est sans gêne, on dit, qui est très impoli. Un boor or a oaf, ouais. Or a slob. Elle le traite même d'esclavagiste. Ok, slave trader or slave driver. Mm-hmm. Mais bon, il va peut-être essayer de trouver l'argent puisqu'il dit quand même, je reviens te chercher la semaine prochaine. Je t'aime, mon cœur, tu es la meilleure. Ok, bye bye. C'est vraiment un goujat, je comprends la réaction de cette femme. Moi aussi. Mais c'est affreux, Amaury. C'est affreux, tout à fait, JP. Bon, je sais que ça ne va pas changer l'histoire, mais on va quand même réécouter ce dialogue une fois. Okay. Tu veux bien? À quoi veux-tu jouer? Aux machines à sous, aux cartes, aux dés, à la roulette? À la roulette! Ne sois pas si excité. C'est la première fois que je me rends au casino. Dans quelques heures, je serai peut-être riche. On verra. 10 minutes plus tard... Je ne comprends pas. J'avais regardé plusieurs émissions, été analysé le jeu et les gestes du croupier. Tu es tombé dans le panneau. Je t'avais prévenu, c'est un jeu de hasard. Laisse-moi mettre en gage ton collier. Tu as déjà tout misé? Ça part vite. Oh, le collier de mon arrière-grand-mère. Tu as perdu la raison. Je ne veux pas voir ça. Je vais faire un tour. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 14 rouges, paire et manque. Non! Alors? Écoute, mon ange. Ton collier était faux. Mais le casino m'a quand même prêté un peu d'argent. Alors? Je viens de tout perdre. Mais tout est arrangé. Il suffit que tu restes quelques jours ici et tout est oublié. Oh, monstre, goujat, esclavagiste. Je reviens te chercher la semaine prochaine. Je t'aime, mon cœur. Tu es la meilleure. Donc nous revoilà, donc nous étions dans le milieu des casinos aujourd'hui, le milieu du jeu, ouais. Un milieu excitant mais très dangereux également. Oui, oui, oui, ouais. Tout à fait. Parce que toi, t'es une partie de ta famille qui vit à Las Vegas. Oui, ça c'est vrai. Donc tu dois bien connaître. Oui, je connais et j'aime pas aller au casino. Tu n'aimes pas aller au casino? Non. Du tout? Chaque fois que je vais à Las Vegas, j'essaie d'éviter d'y aller. Ouais, c'est dur quand même à Las Vegas. Il y a d'autres choses à faire quand même. Sûrement. Pourtant, il y a des casinos partout. Oui, oui, ça c'est vrai. Ouais, et on te donne à boire et à manger. Ouais. Pour que tu restes là. Ouais. Moi j'aime quand même bien jouer, mais je me suis rendu compte un peu comme quoi c'était néfaste. Il y avait un côté vraiment malicieux, tu vois. Ouais. Qu'il faut éviter. Je suis allé 3 fois au casino dans ma vie. Oh, c'était où ça? J'habitais en Belgique. Et je me souviens, j'avais 18 ans parce qu'en Belgique, il faut attendre 18 ans avant d'y aller. Okay. Et on avait attendu 6 mois avec un ami. On était vraiment excités. T'es content d'y aller. Et on est allé, on a joué à la roulette. À la roulette? Ah ouais, la roulette, c'est le jeu que je préfère. Okay. Avec le blackjack. Et on va dire, j'avais avec moi 125 euros. Okay. Ouais. Et au bout de 45 minutes, j'ai pillé, franchement, je me suis retrouvé... 35 minutes. Attends. Je me suis retrouvé avec 350 euros. Oh! Ouais. OK. Et là, tu as arrêté, t'es mais parti. Mais JP, bien sûr, bien sûr, bien sûr que non! Amour! Et voilà, mon ami, c'était la même chose. Il avait aussi doublé ou triplé ses gains. OK. Et bien, JP, 3 heures après, à la fermeture du casino, on était sur les marches, à deux, en se regardant. OK. Et avec, dans ma poche, devine combien? Combien? Zéro. OK. Vous êtes tombé dans le panneau. Tout à fait. Donc voilà, faites attention si jamais vous devez y aller. Il y a un côté excitant, mais il y a quand même un côté dangereux. Ouais. Les conseils d'Amaury. Ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà, donc encore une fois, ce serait un plaisir d'entendre votre avis, de savoir si vous êtes arrivé certaines histoires au casino. Donc n'hésitez pas à venir sur la page de discussion et de nous laisser un message. Ou si vous avez la moindre question, on est là pour vous. JP, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À la prochaine.